C'est Janine Piana et Gospel Company. On va faire ça bien. Ma raison de vivre. Premier couplet, on y va. Tu es ma raison de vivre. Mon second souffle, vers toi je me tourne. Lorsque tout s'écroule, tu es ma roue de secours. Come on. Qui suis-je sans toi près de moi? Où irais-je loin de toi? Tu es ma raison de vivre. Tu es mon Dieu et je t'aime. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi comme réconfort. Yes. Car il n'y a que toi qui peut me rendre. Louisa, deuxième couplet. Let's go. Come on. Quand je suis triste, je regarde vers le ciel. C'est là que je me dis que je ne suis pas seul. Non, jamais. Je sais que ta main veille sur moi. Yes. Que ton amour me conduira. À mes questions. À mes questions, tu es la solution. Yeah. Quand je ne crains rien, tu es la rédemption. Come on. Tu es ma raison de vivre. Raison de vivre. Tu es mon Dieu et je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Je n'ai que toi. Je prie pour eux, je te livre tous mes sentiments comme si j'étais amoureux. Je suis libre dans ta présence, le ciel sera ma récompense. Je n'ai que faire de ce qu'on pense. Ton amour en abondance me couvre, me couvre. En toi je me confie, aujourd'hui je peux dire tu es ma raison de vivre. Je n'ai que toi. Vas-y Mike. Car il n'y a que toi qui peut me rendre fort. Oui, ton amour est mon seul trésor. Je me confie, ma raison de vivre. Tu es mon...